durant laquelle nous nous tenions tous deux derrière lui pour cacher notre arbre, auquel, très heureusement, il tournait le dos. À peine achevait-on de verser le premier seau d'eau que nous commençâmes d'en voir couler dans notre bassin. À cet aspect, la prudence nous abandonna, nous nous mîmes à pousser des cris de joie qui firent retourner M. Lambercier. Et ce fut dommage, car il prenait grand plaisir à voir comment la terre du noyer était bonne et buvait avidement son eau. Frappé de la voir se partager en deux bassins, il s'écrie à son tour, regarde, aperçoit la friponnerie, se fait brusquement apporter une pioche, donne un coup, fait voler deux ou trois éclats de nos planches et, criant à pleine tête, « Un aqueduc ! Un aqueduc !» frappe de toutes parts des cousins pitoyables dont chacun portait au milieu de nos cœurs. En un moment, les planches, le conduit, le bassin, le saule, tout fut détruit, tout fut labouré, sans qu'il y eût, durant cette expédition terrible, nul autre mot prononcé, sinon l'exclamation qu'il répétait sans cesse. « Un aqueduc !» s'écriait-il en brisant tout. Un aqueduc ! Un aqueduc ! On croira que l'aventure finit mal pour les petits architectes. On se trompera. Tout fut fini. Monsieur Lambercier ne nous dit pas un mot de reproche, ne nous fit pas plus mauvais visage et ne nous en parla plus. Nous l'entendîmes même un peu après rire auprès de sa sœur à gorge déployée, car le rire de Monsieur Lambercier s'entendait de loin. Et ce qu'il y eut de plus étonnant encore, c'est que, passé le premier saisissement, nous ne fûmes pas nous-mêmes fort affligés. Nous plantâmes ailleurs un autre arbre, et nous nous rappelions souvent la catastrophe du premier en répétant entre nous avec emphase « Un aqueduc ! Un aqueduc !» Jusque-là, j'avais eu des accès d'orgueil par intervalle quand j'étais Aristide ou Brutus. Ce fut ici mon premier mouvement de vanité bien marqué. Avoir pu construire un aqueduc de nos mains, avoir mis en concurrence une bouture avec un grand arbre, me paraissait le suprême degré de la gloire. À 10 ans, j'en jugeais mieux que César à 30. L'idée de se noyer et la petite histoire qui s'y rapporte m'est si bien restée ou revenue qu'un de mes plus agréables projets dans mon voyage de Genève en 1754 était d'aller à Bossé revoir les monuments des jeux de mon enfance, et surtout le cher noyer qui devait alors avoir déjà le tiers d'un siècle. Je fus si continuellement obsédé, si peu maître de moi-même, que je ne pus trouver le moment de me satisfaire. Il y a peu d'apparence que cette occasion renaisse jamais pour moi. Cependant, je n'en ai pas perdu le désir avec l'espérance, et je suis presque sûr que si jamais, retournant dans ces lieux chéris, j'y retrouvais mon noyer encore en être, je l'arroserais de mes pleurs. De retour à Genève, je passai 2 ou 3 ans chez mon oncle, en attendant qu'on résolût ce que l'on ferait de moi. Comme il destinait son fils au génie, il lui fit apprendre un peu de dessin et lui enseignait les éléments d'Euclide. J'apprenais tout cela par compagnie, et j'y pris goût, surtout au dessin. Cependant, on délibérait si l'on me ferait horloger, procureur ou ministre. J'aimais mieux être ministre, car je trouvais bien beau de prêcher. Mais le petit revenu du bien de ma mère à partager entre mon frère et moi ne suffisait pas pour pousser mes études. Comme l'âge où j'étais ne rendait pas ce choix bien pressant encore, je restais en attendant chez mon oncle, perdant à peu près mon temps, et ne laissant pas de payer, comme il était juste, une assez forte pension. Mon oncle, homme de plaisir ainsi que mon père, ne savait pas, comme lui, se captiver pour ses devoirs, et prenait assez peu de soin de nous. Ma tante était une dévote, un peu piétiste, qui aimait mieux chanter les psaumes que veiller à notre éducation. On nous laissait presque une liberté entière dont nous n'abusâmes jamais.